appelle, compassion financière. Manteau de fourrure de bestiole parti pour le cimetière. Bottines en cuir fabriquées par des gosses en prison. Bouteilles de champagne à foison payées par la maison. Car voulu et financé par multinationales. Et des pots de vin pour ne pas ébruiter tout le scandale. Téléphone au cancer avec puce électronique. Nourriture en plastoc, des formations génétiques. Chimiothérapie qui va te brûler tout le corps. Sniffer le Xanax qui rend les junkies morts. Manipulation médiatique qui formate au mensonge. Distribution de Prozac et au suicide du songe. Taser à la police et soi-disant ne tue pas. Des enfants qui sont plus matures que leur rempart. Arrêt cardiaque à trop bouffer de cadavres. Une bonne patate en tête quand tu pars en garde-à-vue. L'Occident grossit devant Africa qui a faim. Avec des curés dans la foi qui mettent des femmes enceintes. Le sida dans les veines rapporte des milliards à l'État. Peine de mort létale par injection légale. On se la brute histoire pour fantasmer son rêve. Biochimie en veine, ce que les arbres ont dans la sève. Le sperme est dans la dèche, décimé par l'oxygène. Tous les rois de France handicapés dans les gènes. Bouffé au McDo, t'amène à la cirrhose. La télévision drogue, tu as besoin de sa dose. Caméra de surveillance planquée dans les ruelles. L'école est une secte qui te déforme la cervelle. La peur de l'étranger dans un schéma de division. Massacre de village et soi-disant partent en mission. L'esclavage existe encore et ça tout près de chez toi. Les gens sont diabétiques et nous claquent entre les doigts. Bienvenue dans la croissance, dans la machine à sous. Dans le monde de Babylone où tous on devient fou. Sors le matricule, numéro de série. Une date de péremption symbolisée par nos vies. Bienvenue dans la croissance, dans la machine à sous. Dans le monde de Babylone où tous on devient fou. Sors le matricule, numéro de série. Une date de péremption symbolisée par nos vies. Numéro de matriculation pour abattoir. Des filles de l'Est qui vont attendre sagement sur le trottoir. La musique dans le flou prostituée pour tes oreilles. La médecine est une boucherie qui rapporte de l'oseille. La mer est polluée, des montagnes de détritus. Qu'ont-tu fait car des fois ce sont des fous, il fut. La crise est un jeu organisé par des puissants. Les riches passent dans la rue, ne donnent rien aux mendiants. Chacun sa merde et la mentalité de trop de monde. Quand le fric monte à la tête et t'enferme dans une sonde. Des gens partent au taf et se demandent pourquoi ils vivent. D'autres sont des fous et de certains peuples font la lessive. Théorie de groupe pour ceux épongés par l'alcool. Les petits se déboîtent, s'amusent à sniffer de la colle. Ça baisse de plus en plus tôt en 5-14 balais. Papy bouge trafic et les petits prennent le relais. Les gens ne servent à rien, shopping sur internet. Ça tisse dans la police qui t'arrête de moins en moins net. Obama président ne va rien changer du tout. Essaye de ramener la paix mais c'est la merde partout. Les gens se tisent la gueule de la vodka à l'éther. Et fument des trucs chimiques qu'ils vont appeler BR. C'est la tolérance zéro, bienvenue dans Alcatraz. En boîte de nuit tu danses mais défoncé au taz. Les gens passent dans la rue, ne connaissent plus le mot bonjour. Des fumes de cul sur internet à en devenir sourd. Des gens tombent amoureux sur des sites de rencontres. Le temps c'est de l'argent alors c'est un contre la montre. Des personnes de couleur en tôle alors qu'ils n'ont rien fait. L'esclavage des noirs a encore ses effets. Va prôner la croissance car tu n'as rien compris. On va droit dans le mur et le pire c'est qu'on sourit. Bienvenue dans la croissance, dans la machine à sous. Dans le monde de Babylone où tous on devient fou. Sors le matricule, numéro de série. Une date de péremption symbolisée par nos vies. Bienvenue dans la croissance, dans la machine à sous. Dans le monde de Babylone où tous on devient fou. Sors le matricule, numéro de série. Une date de péremption symbolisée par nos vies.